Zach 5, écoute ça, le rap est mort, nah. Il a changé. Normalisé ce bruit devant l'Elias à grain. Le monde hip-hop est devenu prince. Quand j'écoute les nouveautés, j'ai l'impression d'être un étrange. La plume a brûlé, les anciens ont brillé. De la merde au prix d'enfant, j'ai office et fille d'ouvrier. Ma chère, musique otage de leur pied. Rendez là, vous faites pas prier. On a le doigt sur la gâchette. Y'a plus d'identité, ça sonne bizarre. Moins de qualité, plus de quantité sur la visa. Il change de visage, il est misère. Plus de messages, billard, gun et fric sale. Trop de friction entre MC, vire de là. Moi je dédie mes sons à l'état et Sarkozy, Nicolas. Lyrics, mythomane, coupé sa morale, Nissan. Ils ont tué le rap avec une cure de rajeunissement. J'écoute les ondes FM, c'est pas le mien. Laissez-moi celui que j'aime, celui prôné par les anciens. Dans la tête, ils ont des pictons à chaque texte. J'adore le rap, mais rares sont les sons auxquels j'adhère. Rap de Ménic qui rend les oreilles sales. La vida d'Odorel sale, la campagne de Camini. Retour à l'époque où les majors fermaient les portes cousses. Pas d'un coup, les artistes n'étaient pas beaucoup de nos jours. Le rap a tire business prolifique. Vas-y, cite ton contrat et t'auras la corde au cou. Disque d'or, viser les fillettes. Plaide à jamais, frère, vendu ta fière. Hier, t'étais en galère, prêt à tuer. Mais t'es passé à la lumière en jouant les prostituées. À quand un retour aux valeurs, frère? Ils veulent 10 ans d'avance, moi je veux revenir en arrière. Merde, j'ai compris, ça sera plus comme avant. Plus que l'école du micro. Recrute sur l'argent plus sur le talent. Avant, un putain de coup de fusil. Maintenant, plus d'arsenic que du sperme. Oui, quelques gouttes suffisent. L'avenir est vraiment sombre pour mon art. Connard, je te ferais bien passer au détecteur de mensonges. Mauvais aïe ou pas, il est lunatique. Les majors sont coupables d'avoir changé un homme en putafrique. Le rap c'est ma zik, j'écoute que des classiques. Ma playlist se termine en 98. Quelque chose a survécu, une touche d'espoir. Dans l'ombre du showbiz, quelques MC qui tiennent la barre. Putain, les instruments qui claque, merveille de grâce. Premier morceau dans le casque éclate comme la bouteille de gaz. C'est grave, les pires furent têtes à des légendes. Ça va pas aider mes jambes, j'écarterai jamais les jambes. Le rap est un otage, par les maisons disques. Font du bif, les bikes comme avantage. Ne faites pas genre, je mens, votre industrie est morte. Bientôt y'aura le disque d'or du téléchargement. L'époque des mixtapes sur cassette. Battle de break, concert de rap fait en cachette. Maintenant ça remplit les salles. Je remercie les anti-rap, grâce à ça je suis encore marginal. Premier sur le rap, ça dégoûte. Second encore des couilles parce qu'en dégaine écoute. Heureusement y'en a encore qui castagnent. Pour moi aujourd'hui y'en a 2-3 et puis basta. Et moi, il a changé. Normalisé bruit devant l'Elias à grain. Le monde hip-hop est devenu prince. Quand j'écoute les nouveautés, j'ai l'impression d'être un étrange. La plume a brûlé, les anciens ont brillé. De la merde au prix d'enfant, j'ai office et fille d'ouvrier. Ma chère, musique otage de leur pied. Rendez-la, vous faites pas prier. On a le doigt sur la gâchette.